Bien, alors je voudrais revenir sur un point important que Michel Thomas abordait déjà dans ses cours. Pour exprimer une durée en français, on emploie presque toujours le présent. Par exemple, « j'attends depuis 10 minutes ». Alors qu'en anglais, on va employer l'équivalent de « j'ai été » suivi de « ing ». Donc, « j'attends depuis » sera rendu par « I have been waiting ». Littéralement, « j'ai été attendant ».« I have been » Been, B de the N, waiting. Alors j'exprime par là le fait que j'ai commencé à attendre dans le passé et j'attends toujours dans le présent. Donc j'attends depuis 10 minutes, ce sera I have been waiting for 10 minutes. Alors maintenant, est-ce que vous pourriez traduire la phrase suivante? J'attends un appel téléphonique depuis une heure. Littéralement, ça donnera j'ai été attendant pour. I have been waiting for a telephone call for an hour. I have been waiting for a telephone call for an hour. Et je travaille ici depuis longtemps. I have been working here for a long time. C'est ça. I have been working here for a long time. Bien. Et maintenant, pour demander par exemple, depuis combien de temps habitez-vous ici? Ou il y a combien de temps, ça fait combien de temps, que vous habitez ici? En français, on emploie là encore le présent, alors qu'en anglais, on va employer l'expression « how long », littéralement « comment longtemps », suivi de « to have been » et la forme en « ing » du verbe. Bon, alors comment direz-vous « depuis combien de temps habitez-vous ici ?» How long have you been living here? How long have you been living here? Oui, donc il est important que vous compreniez ici que si quelqu'un vous pose cette question, How long have you been living here? Il n'est pas en train de vous interroger sur votre passé. D'ailleurs, en français, on exprime cela par du présent. Depuis combien de temps habitez-vous ici? How long have you been living here? Et vous savez peut-être que étudier se dit to study, S-T-U-D-Y. Alors, comment demanderez-vous « depuis combien de temps est-ce que vous étudiez l'anglais ?» How long have you been studying English? How long have you been studying English? Dans votre cas, vous pourrez répondre fièrement « moins longtemps que ce que vous imaginez. » Less than you think. Et puisqu'on traite en ce moment des expressions de temps, je voudrais revenir plus en détail sur « since », qui veut dire donc « depuis ». On emploie « since » devant une expression indiquant un point de départ dans le passé de quelque chose qui se poursuit dans le présent. Par exemple, si vous parlez d'une amie et que vous dites « je ne l'ai pas vue depuis lundi », vous voulez dire par là que vous l'avez vue lundi et que vous ne l'avez pas vue depuis. Alors, comment direz-vous ça « je ne l'ai pas vue depuis lundi » I haven't seen her since Monday. I haven't seen her since Monday. Bien, vous connaissez bien sûr le mot love pour dire amour, et le verbe correspondant vous est sans doute tout aussi familier. C'est l'une de ses offres deux en un. To love. Oui, tout simplement, to love. Alors comment direz-vous en parlant d'une femme, je l'ai aimée depuis le jour, the day, où je l'ai rencontrée? Alors ici, on retrouve cette tendance à la paresse de l'anglais, puisque le mot « ou » n'est tout simplement pas traduit. Donc, « je l'ai aimé depuis le jour où je l'ai rencontré », littéralement, « le jour je l'ai rencontré ». I've loved her since the day I met her. I've loved her since the day I met her. Ok, donc ici, dans « the day I met her », on emploie « met » parce qu'on fait référence à un moment précis du passé qui est détaché du présent, le jour où je l'ai rencontré. Alors voyons maintenant, comment est-ce que vous diriez « il y a longtemps que je ne vous ai pas vu » En anglais, il vous faudra dire « ça fait longtemps depuis que je dernier vous ai vu » avec « dernier » dans le sens de « dernière fois » qui se dit « last », L-A-S-T. Et la forme du passé de « to see » qui est « saw ». Donc, It is a long time since I last saw you. It is a long time since I last saw you. Et comment dira-t-on « j'attends depuis 10 heures ce matin »? I have been waiting since 10 o'clock this morning. I have been waiting since 10 o'clock this morning. Bien, alors nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième partie et vous avez déjà un bon bagage en anglais. Je n'ai pour ma part jamais douté que vous pouviez vous exprimer aussi bien dans cette langue. Ne serait-ce pas le moment idéal pour passer des vacances en Grande-Bretagne ou aux États-Unis ? Il n'y a rien de tel que de séjourner dans un pays anglophone pour asseoir vos connaissances en anglais et vous faire faire un véritable bond en avant. Comme Michel Thomas le faisait très justement remarquer, il est particulièrement gratifiant d'avoir la possibilité de mettre en pratique ce que vous avez appris, de continuer à vous faire plaisir en apprenant et de vouloir apprendre toujours plus. Et en parlant d'en apprendre toujours plus, il est temps maintenant de passer à la troisième et dernière partie de notre méthode, dans laquelle nous allons revoir certaines caractéristiques essentielles de l'anglais et introduire toute une série d'expressions courantes supplémentaires. Ces nouvelles astuces et phrases clés vont vous permettre d'enrichir votre English vocabulary à la manière de Michel Thomas. Alors, vous êtes prêts ? Bien sûr, ou comme vous le savez déjà, of course.